وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. فإن الله سبحانه وتعالى فخير خويون يسير خويونت ودوفي بخزر بريد غواد الله عز وجل دين فاسو de sorte que vous fassiez attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, en observant, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous regarde, il vous voit et il vous entend, il sait tout de vous. Qala subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Fahadi ikhwat al-islam, صورة قصيرة لكن ألفاظها قوية بليغة جمعت الخير كله. قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير بأنواعه، وهي كما قال رحمة الله عليه: هذه صورة قصيرة يحفظها الجميع لكن دروسها عظيمة لمن فهم عن الله عز وجل وفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعظم واعظ وأعظم زاجر، أي أنه إذا تأملتها وفهمتها كانت لك واعظا وزاجرا. فهنا الله سبحانه وتعالى dans cette sourate citée ici, dans la traduction approximative du sens du verset, il dit: par le temps, l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, et se sont conseillés mutuellement la vérité, et se sont conseillés mutuellement l'endurance et la patience. Cette sourate qui est courte, courte dans les phrases, mais sinon la signification est énorme et grande. Et il est comme il a dit l'imam Shafi'i rahimahullah: si les gens réfléchissaient à cette sourate, la méditent, la comprennent, il aurait été suffisant à quel niveau? Pour que ça soit un grand exhortateur pour eux, pour que ça soit quelque chose qui va les rappeler à l'ordre, à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils fassent et de s'abstenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Cette sourate contient un grand bien. إليكم الذي رحمة الله عليه. هذه السورة حقيق على كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن أن يتأملها ويتدبرها وأن يقف عند دروسها وعبرها ويعمل بمقتضاها لكي تكون له سائقا إلى الخير. سورة واجب علينا أن نفهمه، وهذا ككل كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي إذا كانوا لا يفهمون القرآن ولا يفهمون كلام الله، فالقلوب مقفولة عليها أقفال. صلى الله سبحانه يعيذنا إياكم من أن تقفل قلوبنا من أن لم تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل. فهذه الصورة لا بد أن نتأملها وأن نتدبرها وأن نعمل بما توجبه علينا، أن نعمل بما توجبه علينا. فهنا الله سبحانه وتعالى ست سورات وهي التي tout croyant et toute croyante doit la comprendre, doit la méditer, la comprendre et mettre en application ce que cette sourate implique. Et ceci, nous devons être ainsi avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les niveaux. Donc toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu pour qu'on la comprenne et pour qu'on la mette en application. Dans la traduction citée ici du sens du verset, est-ce que ne méditent-ils pas le Coran ou alors leurs cœurs sont cadenassés? Ça veut dire que s'ils ne le comprennent pas, ils ne le méditent pas, ça veut dire que leurs cœurs sont cadenassés, que Allah subhanahu wa ta'ala ne préserve des cœurs cadenassés. Hadi sura akhad islam bayanat tariqa an-najin 'inda Allah. Wa in sha'ta faqul بيّنت خصائص الطائفة الناجية عند الله، بيّنت حقيقة الناجين وصفات الناجين، وقل إن شئت بيّنت حقيقة الفرقة الناجية عند الله عز وجل التي نجت مرتين، مرة في الدنيا أن لم تقع في البدع ولم تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بشرع الله وفق مراد الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستنجو بإذن الله عز وجل يوم لقاء الله، ستنجو من عذابه سبحانه وتعالى. ومن الله سبحانه وتعالى ست سورة وغياليتي الكونتيان كاركتيرستيك de ceux qui vont être sauvés. Et si tu veux, tu peux dire qu'il contient les caractéristiques de la fraction sauvée. Cette fraction qui va être sauvée deux fois. Une fois dans ce bas monde et une fois dans l'au-delà. Une fois dans ce bas monde parce qu'il va être conforme à la sunna des prophètes et à la voix du noble compagnon. Il ne fera pas, il ne tombera pas dans les ambiguïtés et dans les passions et dans les innovations. Et la deuxième fois, il va être sauvé. Une fois qu'il rencontre Allah Azza wa Jal, il sera épargné, bi'idhnillah Azza wa Jal, du châtiment d'Allah Azza wa Jal. فالصورة أمرها أمر عظيمة. بينت لك طريق الناجين وصفاتهم. فعليك أن تحقق هذه الصفات وأن تسلك هذا المسلك في حياتك. Cette surat te montre les caractéristiques de ceux qui vont être sauvés. Et la voix de ceux qui vont être sauvés. Donc ton devoir, toi le musulman et toi la musulmane, c'est de prendre ce chemin et d'acquérir ces caractéristiques qui vont te permettre d'être sauvé. فأول خصوصيات هذه السورة بينت لك صفات الذين سينجون الإيمان. وهذا الإيمان متضمن للعلم. إذ كيف تؤمن بشيء لا تعلمه؟ فلا بد للإنسان أن يتعلم بماذا سيؤمن، فيعرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبألوهيته سبحانه وتعالى، ويعرف كل ما يلزمه إيمانه، ما يجب عليه الإيمان أن يؤمن به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et la première des caractéristiques, il cite les gens, ceux qui ont cru. C'est-à-dire, l'iman, ceux qui ont l'iman. Et la ceci contient l'obligation de l'apprentissage. Comment croire en quelque chose que tu ne connais pas? Donc il est obligatoire, si contenu dedans, il est obligatoire d'apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms, de par ses attributs, de par ses actes et de par le fait qu'il est le seul digne d'être adoré. Et d'apprendre tout ce qui est obligatoire au niveau des croyances et d'y croire d'une croyance irréfutable. فواجب أن يتعلم الإنسان بماذا سيؤمن والطريقة التي يجب أن يكون عليها إيمانه حتى يكون صحيحا. Obligatoire que tu connaisses les choses en lesquelles tu dois croire et la voie sur laquelle doit être basée ta croyance pour qu'il soit solide et qu'il soit accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. والصفة الثانية الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح. وهذا كذلك يستلزم العلم أن تعلم ما هو العمل الصالح، أن تتعلم ماذا يجب عليك إيمانك، لأن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، فواجب عليك أن تتعلم ما يجب عليك إيمانك وأن تعرفه. كيف ستطيع ربك بأي طريقة؟ لهذا ذكر العمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان لله خالصا وكان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يستوجب منا أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله. ولهذا كثير لا يتفقهون في دين الله، وعندما ترى أمورا هي من الواجبات في إيمانهم كالصلاة تراه لا يحقق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه لا يحقق قول المصطفى عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، تراه لا يحقق وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحقق قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ مثل وضوء هذا. وقس على هذا، ها إلا من رحم ربك وقليل ما هم. تراهم يفقهون في أمور الدنيا، في التقنيات، في المخترعات، تراه إذا تكلمك عن شيء اخترع جديدا كأنه هو الذي اخترعه، وإذا رأيته يتوضأ أو رأيته يصلي لا يفقه في صلاته شيئا، لا يحقق فيها المراد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا يحقق فيها الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير على الإنسان، كيف يمكن أن يقبل العمل وهو يخالف الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الله سبحانه وتعالى، la deuxième caractéristique c'est la mise en application. Il y a eu la science, les croyances, la croyance rentre dedans cette science, et après il y a la mise en application, l'œuvre. Ils doivent accomplir des bonnes œuvres. Comment pouvoir accomplir une bonne œuvre alors que je n'ai pas appris? Comment pouvoir accomplir une œuvre alors que je ne sais rien de la sunna du messager alayhi salam? Comment doit être accompli tel acte ou tel autre acte? Parce que la bonne œuvre, pour qu'il soit une bonne œuvre, il faut qu'il soit, son origine soit la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. C'est pour ça que tu vois que beaucoup de gens comprennent beaucoup de choses de ce bas monde. Et des fois, ils sont devant un outil qui vient d'être créé. Et tu vois, ils parlent de cet outil comme si c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fabriqué. Et quand tu le vois faire sa prière ne correspond pas à l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, priez comme vous m'avez prié. Quand tu le vois faire l'odo, son odo ne correspond pas à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui fait l'odo comme je l'ai fait. Et là, c'est un danger, parce que l'œuvre, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit dans la sincérité, accompli pour Allah uniquement, et il faut qu'il soit dans le suivi. Obligatoire, sinon l'œuvre va être rejetée à la personne. Si dedans, il n'est pas accompli, si l'œuvre n'est pas accomplie selon la sunna, il sera rejeté à la personne, il ne sera pas accepté. Et ceci est une situation très dangereuse. كذلك من صفاتهم الدعوة إلى الحق والتواصي بالحق يدعون إلى الحق ويتواصون بالحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لعباد الله لكن هذا بعلم وحلم وبضوابطه الشرعية لا بد من العلم والعمل وبعدها تأتي قضية تدعو الناس وأن تنصح الناس وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تكون من الناصحين لأن هذا أمر عظيم في دين الله عز وجل النصح لعباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Et la troisième caractéristique c'est le fait de se conseiller mutuellement la vérité et d'appeler vers la vérité le fait d'ordonner le bien de blâmer le mal de conseiller les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Mais ceci doit être fait avec science et selon les règles de la législation. Et il faut qu'il soit basé sur une science. Il ne faut pas que ça vienne comme ça, des passions des personnes, ou de ce qui... Oui, moi je pense que cet acte est bon, tu dois faire comme ça. Abadan. Il faut que le point de départ soit Allah, Adir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit. Et que ce conseil soit prodigué de la meilleure des façons et sur des règles qui sont instaurées dans la sunna du prophète et dans la voie des nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Al-amru al-rabi' al-sabru wa tawasaw bil-haqqi wa ba'da wa tawasaw bil-sabr al-sabr amruhu amrun muhim la budda an tasbir ala al-adha إذا تعلمت وعلمت ودعوت فلا شك أنك ستؤدى فعليك بالصبر أن تصبر لكي تحقق صفات الناجين عند الله Et la quatrième caractéristique, c'est la patience et l'endurance. Obligé, tu apprends, tu mets en application, tu appelles vers Allah, tu vas subir. Tu vas être critiqué, tu vas être calomnié. Hein? On va t'accuser de choses duquel tu es innocent. Et ton devoir ici, c'est que tu patientes, tu endures, comme il l'a fait ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce, parmi les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu es obligé. La patience est quelque chose de très important dans la vie du musulman en général. Qu'est-ce qu'il en est des particuliers parmi les musulmans qui appellent les gens vers le bien? فَالصَّبْرُ أَمْرُهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّ فَمَا بَالُكَ بِخَوَاصِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ألا ما أعظم هذه الصورة أخ الإسلام وما أرفع مكانتها صورة بدأها رب العزة سبحانه وتعالى بالقسم بالدهر الذي هو هذا الزمان والعصر ولله أن يقسم بما شاء ونحن لا يجوز لنا إلا القسم برب العالمين. Et combien il est énorme cette sourate. Il est grand dans ses leçons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par un serment, il a fait le serment avec le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala de faire le serment avec ce qu'il veut. Et nous devons faire le serment que avec les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bil asr. Wa hadha al asr huwa az-zamanu alladhi ta'ishu. Huwa ra'su malik. Huwa alladhi bihi satakunu sharifan. أو تكون وضيعا إذا استعملته فيما يرضي الله ستكون من الشرفاء عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إذا استعملت هذا الوقت في الأوامر التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها واجتنب ما نهك عنه وحققت التقوى كنت من أكرم الناس عند الله في هذه الدنيا ويوم لقاء الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, et le temps, c'est ton capital. C'est ton capital et c'est la chose la plus chère que tu as. À savoir, c'est avec le temps que Allah t'a octroyé, grand, long ou court, que tu vas obtenir tes honneurs ou ton déshonneur. Dans ce bas monde et dans le delà. Si tu utilises ce temps, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, tu vas être parmi ceux qui vont être comblés des honneurs. Et si tu dépasses ton temps et tu le lapides, dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, tu seras parmi les déshonorés dans ce bas monde et dans le delà. Le verset cité ici, inna akramakum indallahi atqakum, les plus honorés chez Allah azza wa jalla seront ceux qui préservent les droits d'Allah, qui mettent en application ses ordres et qui s'abstiennent de ce qu'il a interdit. والناس مع الوقت بين محافظ ومضيع كثير من الناس تضيع أوقاتهم فيما يغضب الله عز وجل أمام الشاشات أمام الحرام ينظرون إلى الحرام ساعات طوال يسمعون إلى ما يغضب الله ساعات طوال يطلقون ألسنتهم في عباد الله ساعات طوال ها فهذا أولئك من الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما سيعود عليهم بالخسارة والندامة يوم لقاء الله. Et les gens concernant le temps qu'ils ont, hein, ils sont soit entre ceux qui le préservent, soit entre ceux qui le gaspillent. Et combien de gens gaspillent leur temps en le fait des heures et des heures ils regardent ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Des heures, ils entendent ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Des heures, ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas à dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et ceux-là, ce sont, hein, ils vont le regretter le jour où le regret ne servira pas. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أقسم في هذه الصورة بأن جنس الإنسانية كله إلى الهلاك وإلى الخسران، إلا الذين استثنى الله وهم المؤمنون الذين يعملون الصالحات الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، أي الذين يحققون الإيمان وبكل ما يوجب عليهم الإيمان ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. وأكبر الأوامر توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ويجتنبون أعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى وهو الشرك بالله عز وجل. الشرك ظلم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك بالله. ويمتثلون أوامر الله وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة، رجاء ثواب الله ومخافة عقاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى دونك الله سبحانه وتعالى في السغم dans ce verset, dans cette sourate, comme quoi l'humanité entière est en perdition, sauf l'exception qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, se sont conseillés mutuellement la vérité, se sont conseillés mutuellement la patience et l'endurance. Ils ont cru en tout ce qui est obligatoire, dans tout ce que leur impose les croyances authentiques, ils y ont cru d'une façon irréfutable. Ils ont fait bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est le fait de mettre en application le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans son livre et dans sa sunna, dans l'espoir d'avoir la récompense min Allah et aussi par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, ils jasissent avec preuve. Et les preuves ne sortent pas de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah. Et tout ceci, ils le fassent, espérant qu'Allah il va accepter d'eux. Et ils le fassent aussi en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se conseillent la vérité, et la vérité, à l'islam, la tête de la vérité, c'est le monothéisme. Et la foi, et les croyances. Ils se conseillent la vérité, la tête de la vérité, c'est le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'interdisent le blâmable et l'injustice, et la tête de l'injustice, c'est le fait de faire un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grave des choses, comme il a dit Luqman à son fils, dont le verset cité ici dans sa traduction approximative du sens: ô fiston, ne commets pas, ne donne pas d'associé à Allah, car l'associationnisme est la plus grande des injustices. Et ceci est très grave. Le musulman est lui demandé d'accomplir le monothéisme, de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك من الدعوة إلى الحق أنهم يتواصون باجتناب المحرمات والمنكرات وينهون عنها وينهون عنها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Ils se conseillent aussi le fait de s'éloigner du blâmable. Ils se conseillent la vérité et le bien pour être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme quoi ils sont les meilleurs. La meilleure communauté, comme il est dit dans le verset, dans sa traduction approximative, vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal. Obligés d'ordonner le bien et de blâmer le mal. وبعدها يتواصوا بالصبر والصبر وخل الإسلام تحتاجه لكي تطيع الله ولكي تمتثل أوامر الله. فالمسلم يحتاج الصبر في كل أحيانه لكي يجتنب المعاصي، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى الصبر لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويحتاج إلى الصبر عندما يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحتاج إلى الصبر، عندما تصيبه الأقدار المؤلمة، عندما يفقد أحدا من إخوانه أو عائلته أو كذا، فيحتاج إلى الصبر. فنحن في هذه الدنيا نحتاج إلى الصبر لأننا في دار الابتلاء. Et la quatrième caractéristique, il se conseille mutuellement la patience, et le musulman, il a besoin de la patience dans toute sa vie. Pour accomplir l'obéissance, il a besoin de patienter. Pour s'abstenir, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, s'en éloigner, il a besoin de patience. Ah, pour ordonner le bien et blâmer le mal, il a besoin de patienter et d'endurer du mal qu'il va recevoir après. Et il a besoin de patienter quand il subit un malheur. Sa femme meurt, ses enfants ou autres, ou là il fait faillite dans son commerce ou autre. Il a besoin de patience devant le destin. فالعاقل الفطن أخ الإسلام يغتنم رأس ماله لأن غدا سيلقى الله غدا سيلقى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Et celui qui est doué de raison, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, doit faire attention à son capital, à sa vie, à ce temps que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et il est dit dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative du sens, où vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah. Et regardez ce que vous mettez en avant comme œuvre pour demain. C'est-à-dire demain quand vous allez retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Farad al-Qarib, Akhuna Abdullah rahimahullah, Mu'addin al-Masjid, wadda'na wadda'tumu hada al-usbu'. رحمة الله عليه. فلا شك أننا كذلك سنصل إلى آجالنا في القريب أو البعيد، سنصل ونصل إلى ما وصل إليه رحمة الله عليه. فلننظر بماذا نريد أن نلقى الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى cette semaine vous avez fait la fête, vous avez fait la prière funéraire sur notre frère le Mouaddine de la mosquée. Son terme est arrivé cette semaine. Notre terme va arriver aussi, aujourd'hui, tout à l'heure, demain, on ne sait pas. Mais qu'on regarde avec quoi on veut retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on veut retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. فلا شك إخوة الإسلام أن العاقل في هذه الدنيا يتذكر أن القبر ينتظره وأن الحساب ينتظره وأن هذا الوقت ما هو إلا رأس مالك. فانظر أنت من الرابحين أم من الخاسرين في رأس مالك. يو كان تدخلون الله سبحانه وتعالى كل الطنب نزلتهم كل question devant الله نزلتهم et qu'on regarde ce capital qui est notre vie, qu'est-ce qu'on fait de ce capital, est-ce que on le gère d'une façon pour avoir du bénéfice ou là on le gère d'une façon pour faire faillite. C'est à nous de voir comment on est dans notre temps. ذكركم بأمر أخوة الإسلام في الأول من هذا الشهر القادم يناير من هذه السنة الجديدة عندما يموت إنسان في هذه البلاد مسلما كان أو كافرا فإذا لم يوقع ويطلب شهادة رفض أخذ أعضاء جسمه فسيأخذونها ولهذا عليكم أن تكتبوا هذه الشهادة وترسلوها إلى الجهات المسؤولة لكي تحصلوا على تلكم الشهادة وهذه الورقة عندكم هناك هي أهل الإخوة إن شاء الله فلا لأن هذا الجسد ليس لنا وليس لنا أن نتصرف فيه ولو متنا هو لله عز وجل فيجب أن نحافظ عليه في الدنيا كذلك بعد الموت فإن الله سبحانه وتعالى à partir du 1er janvier la loi va passer. Moi, tout être humain qui meurt, musulman ou pas, dans ce pays, ses organes seront pris. S'il n'a pas signé, il n'a pas demandé l'attestation de refus. Il faut la prendre parce que ce corps ne nous appartient pas. Il est Allah Azza wa Jal. Comme nous devons le préserver dans notre vie, on doit le préserver aussi une fois mort. Donc, ceux qui n'ont pas fait leur certificat, qu'ils le fassent. Face à Allah Al-Azim. رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سألوه سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في حلب وفي سوريا وفي الشام. سألوه سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في الشام وأن يكبت عدوهم وأن يجمد الدماء في هذا الظالم الغاشم الذي هو بشار. سألوه سبحانه وتعالى أن يجمد الدماء في عروقه. سألوه سبحانه وتعالى أن يرينا فيه يوما كيوم عاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسألوه سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سألوه سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.